نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes arrêtés dans le cours précédent, le cours d'hier soir, sur une des graves erreurs qu'on retrouve de nos jours dans la communauté musulmane, qui est le fait d'avoir la conviction de croire qu'il y a des créatures qui ont la connaissance de l'Ghaïb, alors que l'Ghaïb ne le connaît que le Seigneur des cieux et de la terre, Allahu subhanahu wa ta'ala. Donc combien de gens, des hommes, des femmes, font confiance, vont voir, questionnent des devins qui ne sont que des charlatans, qui prétendent de la connaissance de l'Ghaïb, alors que c'est faux, ne la connaît que Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont jusqu'à travailler avec des démons, shayatin, parmi les djinns, pour faire croire aux gens qu'ils ont une certaine connaissance de l'Ghaïb. Mais en faisant cela, ils essaient de tromper les gens, mais ils ne peuvent tromper Allah subhanahu wa ta'ala. On en a beaucoup, comme les marabouts, les astrologues. Et le pire, c'est quand c'est fait au nom de la religion. Comme les marabouts, hein, qui prétendent qu'ils font cela avec le Coran, qu'ils font cela avec des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sont innocents de leurs actes. Et ces gens ne font que se moquer de la masse parce qu'ils savent que face à eux, il y a une majorité de gens qui sont de bonne foi, mais dont l'ignorance prime sur eux. Et le pire, c'est quand ces gens-là, on leur donne de l'importance, on les appelle le hajj, on les appelle le fqih, on les appelle le shaykh. Hein? Même dans les radios, dans certaines chaînes satellitaires, dans les magazines, dans les journaux, ils ont leur place, ils ont leur mot à dire. Alors que c'est complètement contraire à l'islam. La connaissance de l'ghaïb ne l'a que Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les erreurs qu'on retrouve aussi, il y a l'invocation donnée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Combien invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Les juifs invoquent l'Uzayr et ils prétendent que l'Uzayr c'est le fils d'Allah. Les chrétiens invoquent la Sainte Vierge Marie, Maryam alayhi salam, et ils invoquent Isa alayhi salam. Et chez les musulmans, combien il y en a qui invoquent le prophète alayhi salatu wassalam, ou ils invoquent des awliya, des saints, des vertueux, alors que l'invocation c'est un acte d'adoration. L'invocation c'est lui-même l'adoration, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ad-du'a'u huwa al-ibadah. L'invocation c'est l'adoration. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ. Et n'invoque personne en dehors d'Allah qui ne peut ni te faire du bien, ni te faire du mal, ni il ne peut être bénéfique, ni il ne peut être nuisible. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et les mosquées, les lieux de culte appartiennent à Allah. N'invoquez personne en dehors d'Allah. L'invocation est due à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ses serviteurs. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. La personne qui veut interpeller, qui veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le fait directement. Directement. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mes serviteurs te demandent après moi, je suis proche d'eux, qu'ils m'invoquent donc pour que je leur exauce, leur réponde à leur demande jusqu'à la fin du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa clémence sont énormes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde a englobé toutes choses. Donc la personne peut directement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour demander ce qu'il veut, comme bien de ce bas monde et de l'au-delà. Qui peut demander le pardon de ses péchés. Et il demande ce qu'il veut lorsqu'il lui est profitable et qu'il lui est bénéfique dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Et là, on voit l'erreur commise lorsque certains essaient de légitimer l'invocation qui est faite aux saints en prétendant que ce n'est pas vraiment les saints qui sont recherchés par ces invocations, mais du fait qu'on est des gens pécheurs très éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de chances que si on passe par l'intermédiaire de ces gens-là pieux, Allah acceptera notre demande. Et c'est ce qu'ils appellent at-tawassul. At-tawassul, la prise d'intermédiaire. Et ça, c'est une grave erreur. Les polythéistes se sont légitimés pour leurs actes avec la même argumentation. Lorsqu'ils ont dit ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons, c'est-à-dire ces idoles, ces statues, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et ils ont dit ha'ula shufa'auna 'inda Allah. Ceci, c'est-à-dire ces idoles, ces statues qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Donc ils les ont pris comme intermédiaires, ils les ont pris comme intercesseurs, et on retrouve la même réponse auprès de certains de notre communauté au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Ce sont des actes de polythéisme très graves. Et c'est répandu dans la communauté. Combien de gens croient encore en cela? Alors que at-tawassul, il est légiféré, mashrou'. Mais le tawassul qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Comme lorsqu'on fait des do'as, des invocations, on se sert des plus beaux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. On demande à Allah par ses plus beaux noms. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms-là. De même, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en citant des bonnes œuvres ou une bonne œuvre qu'on a accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans la dua qu'on a dans le Coran, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ô notre Seigneur, nous avons cru, alors pardonne-nous. La croyance, hein, elle entre dans les bonnes œuvres. Cette bonne œuvre qui est la croyance, on a cru véritablement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, pardonne-nous. De même que les trois hommes qui sont entrés dans une grotte, le prophète alayhi salatu wa sallam nous le cite dans un hadith, que trois hommes parmi les gens d'avant, ils se sont réfugiés dans une grotte. Et, parce qu'il pleuvait. Et lorsqu'ils étaient dans la grotte, un rocher est tombé. Et il a fermé l'ouverture qu'ils avaient. Ils ne pouvaient plus sortir de cette grotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, un d'entre eux leur a dit, il n'y a que Allah qui peut nous sortir de ce problème-là. Alors un leur a dit, que chacun se rappelle une bonne œuvre qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun s'est rappelé une bonne œuvre qu'il a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'un d'entre eux, il s'est rappelé qu'un jour, il avait encore ses parents et il dormait. Et il avait des petits-enfants, nourrissons, qui pleuraient, qu'ils avaient faim. Il est parti traire la chèvre et il est venu avec le récipient plein de lait. Alors que son enfant, il pleurait, il a attendu le réveil de ses parents. Il a attendu le réveil de ses parents. Il n'est pas parti les réveiller jusqu'à qu'ils se réveillent d'eux-mêmes. Une fois qu'ils se sont réveillés, il leur a donné d'abord le lait. Une fois qu'ils ont bu, après il a donné à ses enfants. Il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait passer ses parents avant ses enfants. Comme bonne reconnaissance et bon comportement et bon respect envers ses propres parents. Il a dit, oh Allah, si j'ai fait cette œuvre-là pour toi, ouvre-nous le passage. La roche, elle a bougé un peu. Mais il ne pouvait pas sortir encore. Un autre a dit, oh Allah, j'avais une cousine très belle. Je voulais coucher avec elle. Mais elle ne voulait pas. Elle était chaste. Jusqu'à un jour, elle est tombée dans la pauvreté totale. Elle n'avait plus rien. Et elle est venue voir son cousin, elle lui a dit, donne-moi. Il lui a dit, je te donne une bourse d'or à condition que tu me laisses avoir des rapports avec toi. Elle a fini par céder. Lorsqu'il allait accomplir l'acte, elle lui a dit, crains Allah. Lorsqu'il a attendu, il a entendu la crainte d'Allah, elle lui a dit, ittaqillah. Il s'est retiré, il n'a rien fait. Et il lui a laissé l'or. Il s'en est allé, alors que c'était son rêve. Il avait ça face à lui, il a préféré se retirer lorsqu'il s'est rappelé la crainte d'Allah. Il a dit, oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, ouvre-nous le passage. La roche, elle a bougé encore, mais il ne pouvait pas sortir. Et le troisième, c'était un homme qui avait fait travailler un autre homme comme ouvrier. Et cet homme-là, il est parti, il a travaillé, et il est parti avant de prendre son salaire. Avant de prendre son salaire. Et il n'est plus revenu. Un beau jour, beaucoup de temps après, il revient. Et il vient voir cet homme-là et lui dit, tu te rappelles, j'ai travaillé pour toi à une certaine époque et je n'ai pas pris mon salaire. Il lui a dit, oui, prends tout le pâturage qui est là-bas et tous les troupeaux qui y sont, c'est à toi. Il lui a dit, non, c'est pas ça mon salaire. Il lui a dit, si, avec ton salaire, je l'ai fait travailler et voilà le résultat. Il était droit. Personne ne l'obligeait à dire cette vérité-là. Il a pu lui donner tellement son salaire. Il a dit, non, c'est avec ton argent que j'ai fait tout ça. Tu prends tout à toi. Il a dit, oh Allah, si c'est pour toi que j'ai fait ça, ouvre-nous le passage. Et le passage fut ouvert. Donc, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun s'est rappelé une bonne œuvre qu'il a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième forme de tawassul qui est légiférée, c'est d'aller voir un homme vivant, d'aller le voir parce pour sa piété, pour ce, on pense que c'est quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui dire, tu ne m'oublies pas dans tes du'as, barakallahu fik, lorsque tu feras des du'as, pense à moi, fais une du'a pour moi, prie Dieu pour moi. À une personne donc qui est vivante, tu lui demandes de te faire une invocation en ta faveur. Ce sont les formes, de même ça on l'a dans les hadiths du prophète alayhi sallam, des sahaba qui venaient voir le prophète alayhi sallam et lui demander d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, ainsi que pour leurs proches. Donc, c'est ça les trois façons dont dans lesquelles le tawassul est légiféré. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ et rechercher auprès de lui al-wasila, hein, cet intermédiaire là qui sont قال ابن كثير رحمه الله أي تقربوا إليه بالأعمال الصالحة, hein, rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres, par les bonnes œuvres. Donc il est nullement compris dans ce verset cette façon de faire un tawassul qui n'est en vérité on a, les gens n'ont fait que changer la dénomination. Le shirk, ils l'ont appelé tawassul. Parce que le terme tawassul passe mieux que le terme shirk. Si on dit à des gens, ça c'est du shirk, ils ne le feront pas. Mais si on leur dit, non, ça ce n'est pas du shirk, ça c'est du tawassul, ils vont croire que c'est une bonne action et ils vont l'accomplir. Alors qu'en vérité, ils tombent dans le shirk. Même si on change le nom de quelque chose, ça ne change en rien sa réalité. Ça ne change en rien sa réalité. De même que l'immolation d'une bête, c'est un acte d'adoration. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, prie pour ton Seigneur et immole. Un nahr, c'est comme le zabh. C'est l'immolation, l'égorgement de la bête. Seulement, le terme un nahr, il est employé pour comme les bœufs, les vaches et les chameaux. Hein, on n'est pas, il ne nous est pas demandé d'égorger la bête comme on le fait pour la chèvre ou pour une bête. Mais un coup de lance, hein, de la lame, un coup de pointe, à un certain endroit du cou, et on appelle ça un nahr. Mais, donc c'est une forme d'immolation de la bête, mais ça, ça concerne plutôt les chameaux et aussi les bœufs et les vaches. Et donc, dans le Coran, Allah dit « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ » Prie donc pour ton Seigneur et immole. C'est pour ton Seigneur. Et de même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le Coran « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » النسك, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, النسك هو الذبح للحيوان. Donc, dit « ma salat » mon immolation, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit man zabaha li ghayri Allah faqad ashrak. Celui qui immole pour autre que Allah a fait acte de polythéisme. C'est un acte de polythéisme. Donc le fait de prendre des bêtes et d'aller les immoler devant la tombe ou devant le mausolée de tel saint ou de tel saint, ce sont des formes de polythéisme qui ne sont pas permises. Et combien le font dans nos pays, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et certains même, ils pensent bien faire en disant, mais nous on veut que la récompense de cette bête immolée soit pour nos parents, pour nos grands-parents. Si tu veux que la bonne œuvre, elle soit pour tes parents, immole la bête tranquillement chez toi, fais à manger, nourris les pauvres si tu veux, mais tu n'as pas besoin d'aller immoler la bête dans le cimetière ou devant la tombe de un tel ou devant la tombe de un tel. Et ça, c'est un acte de polythéisme. Et le cimetière et les tombes ne sont pas des lieux de fête ni des lieux de nourriture. Et combien font ces choses-là? Ils inventent même des fêtes. Là, c'est la semaine pour tel wali. Le mois d'après, c'est la semaine pour tel wali. Et ainsi de suite. Et les gens, ils aiment ça. Des festivités. Subhanallah. Le mort ne peut ni ramener à sa personne du bien ni du mal. Il ne fait ni du bien ni du mal. Il est retourné à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, avec les œuvres qu'il a accomplies sur terre. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala son sort. Donc si pour lui-même il ne peut ni faire du bien ni faire du mal, encore moins il le pourra pour les autres. Encore moins il pourra pour le faire pour les autres. Alors que nous, il nous est demandé vis-à-vis des morts de faire des doigts, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les accepte dans sa clémence et sa miséricorde, qu'Allah leur pardonne les péchés, et ainsi de suite. qu'Allah leur accorde le paradis. C'est ça qui nous est demandé. Et non pas de faire ce genre d'actions qui ne sont ni enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Et si eux ne l'ont pas fait vis-à-vis de leur mort, ce n'est pas à nous de le faire vis-à-vis des nôtres. Donc c'est important de savoir que ces actes-là sont des actes de polythéisme. Le fait de tourner autour de la Kaaba, qu'on appelle en arabe at-tawaf. Le tawaf est un acte d'adoration. Allah nous dit dans le Coran, وَلْيَتْطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Et qu'il tourne, qu'il fasse le tawaf autour de la maison ancienne, qui est la maison sacrée, qui est la Kaaba. C'est un acte d'adoration. Certains vont jusqu'à le faire, le tawaf, autour des mausolées, autour des tombes. Comme on tourne autour de la Kaaba. Et ils sont dans une concentration et dans un soi-disant apaisement, et ils pensent être en adoration, alors que c'est du polythéisme. Un acte d'adoration qui n'est permis que dans un seul endroit sur terre. C'est autour de la Kaaba. Baytullah al-Haram. C'est tout. De penser, il y a beaucoup, et des actes qui ne sont peut-être pas eux-mêmes du polythéisme, mais qui mènent au polythéisme. Comme les gens qui prennent des pierres ou qui prennent de la terre parce qu'elle provient de l'endroit où est enterré tel saint ou tel saint. Une terre sacrée, c'est celle qui a été rendue sacrée par Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une terre sacrée. Mecca, Al-Madina, ce sont des sanctuaires sacrés, rendus sacrés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un périmètre bien précis, connu. Mais comment une personne peut-elle prétendre que tel endroit il est sacré, alors qu'il n'y a aucun texte qui vient le démontrer? Subhanallah. Comme par exemple dire une ville sainte, la septième ville sainte, une ville qui est au Maghreb. Pourquoi elle est sainte? On peut dire que c'est une ville bien pour la science qui est diffusée, pour tel bien qui est diffusé, mais de dire ville sainte, non. Ou de dire par exemple que la ville de Touba, qui est au Sénégal, que c'est une ville sacrée, interdite aux mécréants. Jusqu'à même, ils y accomplissent le pèlerinage une fois par an. Et certains croient que celui qui a fait le pèlerinage à Touba, il n'a pas besoin de le faire à la Mecque. Il y a des gens qui croient en ça. Ou alors, les villes saintes en Irak, la ville de Karbala, la ville de Najaf, la ville de Samarra. Qui les a rendues saintes? Subhanallah. Les gens, ils inventent des choses et les générations y croient. Ils héritent cela. Subhanallah. Mais lorsqu'on retourne au texte, les villes saintes, ce sont celles rendues saintes par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ils font des pèlerinages, vous le voyez. Ils font des, une fois par an, des pèlerinages. Et ils tournent autour des mausolées, des tombes. Wal'ayadu billah. Jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Encore un acte grave qu'on retrouve dans la communauté. Beaucoup de gens jurent par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui jurent sur la tête de leur père, de leur mère, de leurs enfants, sur ta'am, sur le melh, sur la nourriture, le sel. Combien jurent? Jurent sur tel wali, tel saint, tel shir. Combien jurent sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut. Que celui qui jure pas, qu'il, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Man halafa bi ghayri Allah faqad kafar. Celui qui jure par autre que Allah, a fait acte de mécréance. C'est très grave. Et ça, ce sont des actes qu'on retrouve dans la communauté. On nous dira que beaucoup le font par ignorance. Soit, mais on se doit d'apprendre la religion, de savoir ce qui est à faire, de ce qui n'est pas à faire. Et il y a bien d'autres formes de polythéisme, innombrables. Et c'est pour cela qu'une mosquée doit être purifiée de toute forme de polythéisme. Parce que c'est le lieu de culte. C'est le lieu de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas mettre de tombe dans une mosquée, ni construire une mosquée sur une tombe. Alhamdoulilah, en France, on ne connaît pas encore ça. Mais dans nos pays, dans les villes, les grandes villes anciennes, combien de mosquées là-dedans on retrouve des tombes. Et certains vont dans telle mosquée spécialement parce que dedans il y a la tombe d'un tel ou un tel. Les prières ne sont pas valables. C'est interdit de prier dans une mosquée où il y a des tombes. Le prophète alayhi salatu wa salam a interdit cela. Il a dit alayhi salatu wa salam: La'natullahi ala al-yahudi wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid inni anhaakum an dhalik. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes et de leurs vertueux, de leurs saints, des lieux de culte. Ne prenez pas les tombeaux comme lieu de culte, car je vous l'interdis. Et là-dedans, il y a la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Certains ont une ambiguïté. Ils disent, mais si c'est ça, pourquoi alors la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée? Beaucoup pensent, ils se posent la question. C'est parce qu'ils ne savent pas comment elle est faite, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'endroit de la tombe ne fait pas partie de la mosquée. C'est une chambre. C'est une chambre fermée. C'est une chambre fermée. Et c'est la chambre de qui? C'est la demeure de qui? De Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a construit la mosquée à son époque, collé au mur de la mosquée, il y a mis les demeures de ses épouses, alayhi salatu wassalam. Et une de ces demeures, c'est la demeure de son épouse, la mère des croyants, qui est la fille de Siddiq Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est Aïcha radiallahu anha. C'est sa maison. C'est là où habitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il dormait, c'est là où il vivait, c'est là où il mangeait. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète, une des règles qui concerne les prophètes, le prophète est enterré là où il meurt. Là où il meurt. L'endroit où il meurt, c'est là où il doit être enterré. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a rendu l'âme dans la demeure de Aïcha radiallahu anha. Et il fut enterré dans la demeure de Aïcha radiallahu anha. Et à côté de lui, à sa droite, on a mis Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu à sa mort. Et à la droite d'Abu Bakr al-Siddiq, on a mis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il décéda. Donc c'est une maison. Elle ne fait pas partie de la mosquée. Bien que c'est collé à la mosquée, mais les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient collées à la mosquée à l'origine. Elles sont collées, mais elles ne font pas partie intégrante de la mosquée. Et puis, comme vous avez entendu le hadith du prophète Sam, où il y a l'interdiction de construire. Donc voilà en résumé quelques points concernant des actes de polythéisme qu'on retrouve dans notre communauté et qui est un devoir pour chacun de s'en éloigner pour sa personne, pour être épargné de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour être épargné du feu de l'enfer. Car le polythéisme est l'acte qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. Et faire preuve de monothéisme et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et lorsqu'on dit monothéisme, il n'y a que la religion musulmane qui est monothéiste pour celui qui est vraiment monothéiste. Sinon, on a l'habitude d'entendre qu'il y a trois religions monothéistes. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. À l'origine, oui. Le judaïsme, c'était du monothéisme. Le christianisme, c'était du monothéisme. Mais après, non. Puisque ces religions étaient falsifiées, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les juifs n'adorent pas Allah. Ils adorent Al-Uzayr, qu'ils prétendent que c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens adorent Jésus, Isa alayhi salam, en dehors d'Allah. Et ils adorent sa mère, Maryam alayhi salam. Et ils prétendent, chacun prétend, les juifs prétendent que Al-Uzayr c'est le fils d'Allah, et les chrétiens prétendent que Jésus est le fils d'Allah. قال تعالى الله نزل القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Voilà, lorsqu'il leur a été demandé, c'est de n'adorer qu'une seule divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les juifs ont dit Al-Uzayr, c'est le fils d'Allah. Al-Uzayr, c'est un homme saint, un homme pieux des enfants d'Israël. C'est celui qui a dormi dans une grotte avec son âne pendant 100 ans, qui est dans le Coran, son récit. Et cet homme-là, après les 100 ans, il a été ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un signe. Et donc, eux, ils ont prétendu que cet homme-là, c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens, et ça, en général, les gens le savent, puisqu'ils l'entendent, ils disent que Jésus, c'est le fils de Dieu. Et Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté et a rejeté leurs paroles. Car ce sont des paroles vaines et fausses. Allah tabaraka wa ta'ala n'a ni compagne ni enfant. Et dans un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, rahimahumallah, le prophète alayhi salatu wa salam nous parle de Yom al-Qiyamah, le jugement dernier. Et qu'Allah interpellera les juifs et leur dira: qu'est-ce que vous adoriez sur terre? Ils répondent: nous adorions Al-Uzayr, fils d'Allah. Allah leur dit: vous mentez. Allah n'a ni compagne ni enfant. Puis ils seront jetés en enfer. Puis Allah interpellera les chrétiens et leur dira: qu'est-ce que vous adoriez sur terre? Ils répondent: nous adorions Isa, le fils de Maryam. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala leur dira: vous mentez, Allah n'a ni compagne ni enfant. Et ils seront aussi jetés en enfer. Donc, on comprend en cela que ce n'est plus des religions monothéistes, puisqu'il y a du polythéisme même clair et net dans leurs deux religions. Et même le polythéisme, on le retrouve dans notre communauté, comme les exemples qu'on a vus précédemment, et il y en a bien d'autres. Donc voilà, avec le cours d'hier et le début de ce cours, nous avons un petit aperçu sur le premier témoignage qui est la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est un travail de toute une vie. La ilaha illallah, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité, ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la religion sincère? Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Et il ne leur a été demandé, ordonné que d'adorer Allah sincèrement. Fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Que celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien, qu'il n'associe personne dans son adoration à Allah. Donc la sincérité en elle-même, voilà exactement la signification de la ilaha illallah. Et c'est un travail de toute une vie, depuis le début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tout est basé sur la ilaha illallah. Celui qui n'a pas la ilaha illallah, ses œuvres sont vaines. Elles ne sont pas acceptées. Parce que les œuvres ne sont acceptées que s'il y a les conditions de validité. Et pour qu'une œuvre soit bonne et soit agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui faut deux conditions de validité qui sont la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Qui sont que l'œuvre soit faite sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième condition, Muhammad Rasulullah, que cette œuvre-là soit en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un suivi de l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et qui est la suite du cours hein, qu'on va essayer, inshallah, de développer un peu concernant Muhammad Rasulullah. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ne sont pas des paroles comme ça qui sortent de la bouche, qui sont légères à la langue. Non, elles ont un poids, elles ont des conditions, elles ont des obligations, elles ont des annulations. Muhammad Rasulullah, c'est qu'on croit en la prophétie et au message de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, qui fait partie de la grande famille des Banu Hashim, de la tribu de Quraysh, la grande tribu qui gouvernait à la Mecque, qui avait la responsabilité de la Kaaba. Cette grande tribu est née en leur sein le sceau et le dernier des prophètes et des messagers, Muhammad alayhi salatu wa salam. Son père s'appelait Abdullah, sa mère elle s'appelait Amina. Il est né l'année de l'éléphant. Aam al-Fil. Hein, la sourate, on connaissait la sourate de l'éléphant, sourate al-Fil. L'histoire, le récit de l'Fil, l'année même où ça s'est passé, c'est l'année où il est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent 570, 569, 571 par rapport au calendrier chrétien. L'essentiel, c'est qu'il est né à Aam al-Fil, alayhi salatu wa salam. À l'âge de 40 ans, Allah l'a choisi comme prophète. Et il a reçu la première révélation dans la grotte de Hira, à la Mecque, les cinq premiers versets de Surat al-Alaq, qui commence par « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » « Lis au nom de ton Seigneur » ou « Récite au nom de ton Seigneur qui a créé ». Et la traduction par « récite » est meilleure que « lit ». Parce que réciter, ça peut être de la lecture, comme ça peut être de tête. Alors que lire, c'est une lecture. On a de l'écriture et on apprend de la lire. Alors que réciter, hein, ça peut être de tête, comme ça peut être une lecture. Et c'est ce qui est plus proche de la réalité, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire, ni écrire. Ni lire, ni écrire. Puis, il est resté 13 ans à la Mecque. 13 ans, prêchant l'islam, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, enseignant le Coran. Beaucoup l'ont rejeté, l'ont combattu, lui ont fait voir toutes sortes de mal, de par les paroles et de par les gestes. Et ceux qui ont cru en lui ont subi beaucoup de menaces, beaucoup de mal, de la part des Arabes de la Mecque. Puis, après ces 13 années, il a émigré vers une ville qui s'appelle Yathrib et qui sera appelée plus tard El-Médina, la ville de Médine. Et il y resta les 10 dernières années de sa vie. Donc, sa prophétie et son message a duré 23 ans. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Alayhi salatu wassalam. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, on doit croire en lui, croire en sa prophétie, croire en son message. On doit l'aimer plus qu'aucune autre créature, même plus que soi-même. L'amour qu'on doit avoir pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit prévaloir sur l'amour qu'on a pour notre personne, l'amour qu'on a pour nos parents, l'amour qu'on a pour nos enfants, l'amour qu'on a pour n'importe quelle autre créature, sauf le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, il prévaut sur tout autre amour. Puis après, c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit confirmer et accepter tous les récits les paroles du prophète alayhi salatu wasalam, car ce n'est qu'une vérité qui sort de sa bouche alayhi salatu wasalam. On lui doit écoute et obéissance alayhi salatu wasalam. Voilà en résumé l'explication de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit quand il y a قل, Allah parle à qui? À son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit, oh Muhammad, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous prétendez l'amour d'Allah, vous aimez véritablement Allah, prouvez-le parce qu'il va suivre. Alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et ça, c'est une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à des juifs de Médine qui prétendaient l'amour d'Allah. Qui prétendaient l'amour d'Allah. Et Allah, il a révélé ce verset: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que l'épreuve lui soit venue et ne suit pas le chemin des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans le feu de la géhenne, et quelle mauvaise demeure. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne veulent pas écouter l'ordre du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne veulent pas appliquer l'ordre du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'une fitna ne les touche, ou un châtiment douloureux, qu'un trouble ne les touche, ou un châtiment douloureux. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah a dit: une fitna, c'est-à-dire un shirk, le fait qu'ils se détournent de l'ordre du prophète alayhi salam, ils peuvent en arriver à tomber dans le polythéisme, et là ils sont perdus. S'ils tombent dans le polythéisme, les gens sont perdus. Donc on voit bien la gravité d'aller à l'encontre de l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ce que le messager vous donne, ce qu'il vous ordonne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que l'obéissance qu'on donne au prophète alayhi salatu wa salam n'est qu'une obéissance qui est donnée à Allah lui-même subhanahu wa ta'ala. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Car en obéissant au messager, on a fait qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, dans Muhammad Rasulullah, on ne fait passer aucune opinion, aucune parole, de quelle que soit la personne qui aurait dit cette parole ou cette opinion, et quel que soit son grade, son niveau, au-dessus de celle d'Allah ou celle de son prophète alayhi salatu wa salam. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Oh vous qui avez cru, ne faites rien passer devant Allah et son messager. Rien du tout. Allah et son messager alayhi salatu wassalam. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous précise, on demande tout le temps dans notre salat, à chaque fois qu'on récite sur le Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous vers le droit chemin. Mais ça, c'est pour celui qui médite ce qu'il dit, pour celui qui réfléchit et qui se concentre dans sa lecture et qui pourra bien comprendre ses paroles. Allah dit dans le Coran: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidé. Car la guidée véritable, elle n'est que dans l'obéissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et ça c'était le jour de Arafat, un peu avant sa mort, alayhi salatu wa salam, pendant le pèlerinage d'adieu, et il a fait un grand discours, hein, qui est le discours de du pèlerinage de l'adieu. Et là, le prophète m'a dit, لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. Il dit عليه الصلاة والسلام, j'ai laissé entre vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez, tant que vous le suivez, le livre d'Allah et ma tradition et ma sunna, mon enseignement que j'ai laissé entre vous, et ils ne se sépareront jamais, c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient les deux, le Coran wa sunna, jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant al-Hawd, qui est le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. Le Coran et la sunna vont de pair, ils ne seront jamais séparés. Et il y en a qui ont prétendu qu'on pouvait délaisser la sunna, délaisser les hadiths. On n'a pas besoin de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran à lui seul nous suffit. En disant cela, ils n'ont fait que démentir le Coran. Puisque dans le Coran, on a vu les versets qu'on a cités tout à l'heure, il nous est demandé d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils démentent le Coran en disant ça. Deuxième chose, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans, il y a le commentaire et l'explication véritable du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, « وَاقِيمُ الصَّلَاةِ » et accomplissez la prière, accomplissez la salat. « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » C'est-à-dire préserver les prières, surtout la prière médiane, al-asr, et levez-vous devant Allah avec humilité. Donc Allah nous ordonne la prière, mais est-ce que dans le Coran on a l'explication des prières, comment faire la prière, est-ce qu'on a les prières obligatoires, c'est lesquelles, combien de rak'at elles ont, comment on sait que al-subh il a 2 rak'at, que al-dhuhr il a 4 rak'at, que al-asr il a 4 rak'at, que al-maghrib il a 3 rak'at, que al-isha il a 4 rak'at, là où il faut rester à voix haute, là où il faut rester à voix basse, tous ces détails, le ruku', le sujoud, et quoi dire là-dedans. Où on les a? Dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, comment ils peuvent faire la prière convenablement s'ils délaissent la sunna du prophète alayhi sallatu wa sallam, alors que le prophète alayhi sallatu wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Car lui, il nous enseigne le Coran. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran « Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila » Et il est un devoir pour les gens d'accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Pour Allah, on doit le faire. Et Allah nous dit dans le Coran, وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Et accomplissez le pèlerinage et la umra pour Allah. Comment accomplir le pèlerinage? La période exacte où le pèlerinage est demandé. Chaque jour de pèlerinage, quelles sont les œuvres à faire? Tous ces détails, et les détails de la Umra, où est-ce qu'on les a? Dans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a bien dit, « Le ta'khudu anni manasikakum » Que vous preniez de moi les rites du pèlerinage. Donc comment accomplir si on délaisse la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam? Il y a un rite de suite pour la zakat, « Wa aqimu salata wa atu zakat » Quelles sont les règles de la zakat? Sur quoi elle doit être donnée la zakat? À qui elle doit être donnée la zakat? Quel est le plafond de la zakat? Tous ces détails, al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sa fonction. Il transmet le message et il nous explique le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous explique le de même, ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux, afin que vous soyez vous craignez Allah. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, tous les détails, hein, tous les détails du jeûne, comment on les connaît si ce n'est pas la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu montres aux gens ce qui leur a été révélé. Les ulama ont dit ici le premier zikr, c'est la sunna. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Allah lui a donné cette tradition pour qu'il puisse expliquer aux gens ce qui leur a été révélé, qui est le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. C'est-à-dire la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Al Coran ou la sunna vont de pair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit, ala inni utitu al Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Et il m'a été donné le Coran et son semblable avec. C'est-à-dire la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et certains compagnons ont dit, كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. جبريل venait enseigner la sunna au prophète عليه الصلاة والسلام comme il venait lui enseigner les versets et les sourates du Coran. Donc tout cet enseignement du prophète صلى الله عليه وسلم, quelle grave erreur et quelle déviation de l'islam authentique que font ces gens-là qui veulent séparer la sunna du Coran, alors que le prophète a bien dit, et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant Al-Hawd, qui est le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Je vous ai laissé sur un chemin droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, dit à la communauté musulmane, je vous ai laissé sur un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit. Il est clair ce chemin. C'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. Ne peut s'égarer de ce chemin que quelqu'un qui est perdu. Jamais il ne sera dans la droiture si ce n'est dans le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, vous tous, vous entrerez au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Les compagnons demandèrent, mais qui ne veut pas aller au paradis au messager d'Allah? Qui ne veut pas aller au paradis? Le prophète صلى الله عليه وسلم de répondre, celui qui m'obéit ira au paradis, celui qui me désobéit, c'est qui ne l'a pas voulu. Il ne veut pas aller au paradis. Car s'il veut aller au paradis, il se doit d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons n'ont eu de réussite et de félicité. Et ils ont eu ce degré, la place qui leur a été donnée. Ils n'ont eu tout cela que pour leur suivi convenable du prophète alayhi sallatu wa sallam. Leur obéissance envers le prophète alayhi salatu wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyata radiallahu anhu, قال وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَغَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنَا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Dans ce hadith, ce grand hadith, Al-Irbad ibn Sariyah radiallahu anh, nous dit, le messager d'Allah nous a fait une exhortation énorme qui a touché les cœurs et fait pleurer les yeux. Nous avons pensé que c'était une exhortation d'adieu. Nous avons dit alors au messager d'Allah, conseille-nous, donne-nous des recommandations. Il leur dit, je vous recommande la piété et la crainte d'Allah, et d'écouter et d'obéir, même s'il advient que c'est un Abyssin, un Éthiopien, esclave, qui devient votre chef. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Subhanallah. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parle de ce qui va se passer après sa mort, alayhi wa sallam. Il nous dit la maladie qu'il y aura, qui est la divergence. Et la divergence, on la vit jusqu'à aujourd'hui. On la vit jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Mais on a le remède. Il ne nous a pas laissé comme ça, subhanallah. Il ne nous a pas seulement cité la maladie et il nous a laissé sans remède. Non, il nous a donné la clé. Il a dit, alayhi sallatou wassalam, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, cramponnez-vous, attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents. Abdu alayha bin nawajib. C'est les dents de l'intérieur avec lesquelles on croque. Lorsqu'on a pris quelque chose, on a du mal à le retirer. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise de prendre la sunna de la sorte, car on viendra, des démons viendront pour vous l'enlever, pour vous détourner de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors mordez-la à pleines dents et tenez bien. Tenez bien là-dedans. Parce que c'est là-dedans qu'il y a la droiture. C'est là-dedans qu'il y a le chemin droit. C'est là-dedans qu'il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mordez-la à pleines dents et attention à toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation et que toute innovation est un égarement. De même que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire dans l'introduction de ses discours, « Amma ba'd, fa inna khayra al-kalami kalamullah, wa khayra al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. » وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après ceci, après l'introduction où il y a l'éloge fait à Allah subhanahu wa ta'ala, la glorification faite à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attestation du message de Muhammad alayhi salatu wa salam. Après ceci, avant de commencer le discours, il disait: la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Il n'y a aucune parole qui prévaut sur celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la parole du Créateur. Et toute autre parole, c'est la parole des créatures. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-Qur'an. De par sa lecture, on est en acte d'adoration. Nahnu fi ibadah. Seulement en le lisant, on est en train de faire un acte d'adoration. Lire le Coran n'est pas comme lire un autre ouvrage ou autre chose. Le Coran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu lakum alif la mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Celui qui lit une lettre du Coran, il a une récompense. La récompense est multiplié par 10. Pour chaque lettre du Coran, on a 10 hasanat. Subhanallah. Ceci n'est donné qu'au Coran. Je ne dis pas alif, lam, mim est une lettre. Mais alif est une lettre. Lam est une lettre et mim est une lettre. De même que le prophète en nous dit: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Le Coran, il a une place. Et c'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, surtout dans nos pays, celui qui a le Coran, qu'on appelle ça le fqih, hein, c'est quelqu'un de minable, wal'iyadu billah. C'est quelqu'un de pauvre, qui est mal habillé, qui a besoin qu'on lui donne des sadaqas, wal'iyadu billah. C'est ça maintenant aujourd'hui chez nous. Hein, pourquoi aussi? Premièrement, parce que les gens se sont éloignés de l'islam et ne savent plus quelle est la valeur de celui qui a le Coran par cœur. Et deuxièmement, parce que ces mêmes personnes-là ne se sont pas respectées eux-mêmes. Puisque la personne ne se respecte pas, elle-même, elle ne respecte pas sa personne, qui va la respecter? Lui-même, il se permet d'aller m'entendre sa main. Alors qu'Allah lui a donné la santé, il peut aller travailler, il peut aller ramasser de l'argent. Lui-même, il a pris les versets coraniques pour gagner un vil prix de ce bas monde. Il récitait le sourate, il a tant d'argent. Il récitait le verset, il a tant d'argent. Dans les maisons, surtout les enfants, ils connaissent. Iqra Yasin, voilà, ça a une somme d'argent avant de sortir. Si on ne lui donne rien, il est mécontent. Subhanallah. Il a récité le Coran, mais il est mécontent parce que derrière ça, il voulait de l'argent. Si on l'a bien payé, il est content. Il tourne dans les maisons, il cherche où il y a un tram à manger. Zelda. Ah, ils aiment ça. C'est pas bon, subhanallah. Après, les gens, ils ont des anecdotes, ils ont des récits, ils en rigolent, les gens, sur ces gens-là. Alors que c'est les gens qui ont le Coran. Allahu musta'an. Wa la tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalila. Faut pas vendre les versets d'Allah pour un vil prix de ce bas monde. Et tout ce bas monde, avec tout ce qui s'y trouve, comme or, comme argent, comme trésor, c'est un vil prix par rapport à ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est très grave. Alors que celui qui a le Coran, c'est lui qui montre l'exemple. C'est lui qui doit être propre. C'est lui qui doit, s'il a les moyens, il donne. Et non pas il attend qu'on lui donne, subhanallah. C'est à lui de montrer l'exemple et de lever sa tête. On a vu le récit hier de cet homme qui est un affranchi, un ancien esclave. Mais on l'a mis sur la Mecque, gouverneur, suppléant de là à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il était connaisseur dans le Coran. Subhanallah. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah élève par ce livre des hommes et il en rabaisse d'autres. Quelqu'un qui a bien compris la valeur de ce qu'il a, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est un argument pour toi ou contre toi, yawm al-qiyamah. Mais c'est vrai que beaucoup lisent le Coran, mais pour eux c'est comme du chinois, ils n'y comprennent rien. Ils lisent seulement. Alors que Allah lui dit en Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Le Coran a été révélé pour être médité, pour y réfléchir, pour l'apprendre, pour apprendre le commentaire, l'explication, les leçons à tirer des versets coraniques. Et c'est pour ça que le Sahaba, radiallahu anhum, il disait, nous apprenions 10 versets. On n'allait pas en apprendre d'autres jusqu'à qu'on les apprenne par cœur, qu'on comprenne leur sens et qu'on les mette en pratique. Et avec cela, on a assemblé le savoir et la foi. Le savoir et la foi. 10 versets, ce n'est pas la quantité qui compte, mais tout ce que tu sais que tu l'as bien compris et tu sais que tu le mets en pratique. C'est comme un grand cheikh dans le domaine du hadith, c'est le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, qui ramène dans un ouvrage qui concerne le fait de mettre en pratique son savoir. Et son ouvrage s'appelle Iqtida'ul ilm al-amal. Le savoir appelle la mise en pratique. Et il dit qu'un grand professeur de hadith a dit un jour à son élève, « Wallahi, je préfère te donner des dinars, des pièces d'or, que de t'enseigner un hadith en plus. » Cet homme a dit, l'étudiant, il a dit, « Ah non, au professeur, je préfère que tu me donnes des hadiths que je ne connais pas, que d'avoir de l'argent. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu son professeur? Il lui a dit, « Par Allah, si tu mets en pratique tous les hadiths que je t'ai enseignés, tu ne trouverais pas le temps de venir m'en demander un autre. » Donc l'histoire n'est pas seulement d'amasser, mais c'est de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique. Le savoir appelle la mise en pratique. Sinon, le savoir est un argument contre la personne. Subhanallah. Donc ces gens qui ont la connaissance du Coran se doivent de respecter le Coran. Se doivent de savoir la valeur de ce qu'ils ont. De ce qu'ils ont. Et puis les gens doivent savoir la valeur du kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose à minimiser ou à négliger. Donc, et quelqu'un dira, mais tout le monde sait que la parole d'Allah c'est la meilleure. Soit. Mais dans la communauté, on a des gens de tendance quelconque qui ont des croyances contraires à cette parole. Al-Tijaniya, qui est une secte soufie qui existe dans le Maghreb ou en Afrique noire, parmi ce qu'ils ont, ils ont une doa qu'ils appellent Salatul Fatih, que leur shir, fondateur, leur a donné. Cette doa, ils prétendent que celui qui l'a dit une seule fois, c'est mieux que de terminer le Coran entièrement 6000 fois. Ça, c'est de la mécréance. Pourquoi ? C'est parce que on a fait passer la parole d'une créature au-dessus de celle du Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est très grave des paroles comme ça, ou des convictions comme ça. Donc, le prophète a dit, la parole d'Allah, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et le meilleur des chemins, c'est le chemin de Muhammad, alayhi wa sallam. Et attention à toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Et concernant l'amour qu'on doit avoir pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Et ceux qui croient ont encore plus d'amour pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Trois choses. Celui qui les aura assemblées aura goûté à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui que quiconque. Et qu'il aime la personne, il aime son prochain, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il détesterait retourner à la mécréance après en avoir été sauvé par Allah, comme il détesterait être jeté en enfer. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il m'aime, qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que sa personne, plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tout le monde. L'amour du prophète alayhi sallam, comme on l'a dit au début de cette parole, elle doit prévaloir sur l'amour pour toute autre créature. Wa subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله